100 000 morts, 100 000 tués sur ce qui était encore le sol français et par des soldats français. Mais ce massacre est tout juste évoqué dans les livres d'histoire, quelques lignes à peine, passé sous silence, relégué dans les coulisses de l'histoire, oublié tous ces morts qui ne peuvent que déranger au pays des droits de l'homme. Et pourtant, c'était hier, en 1947, mais loin, très loin de la métropole, dans une colonie où l'on pouvait tuer impunément sous les ordres de généraux français et sans même encourir la moindre réprimande d'un gouvernement qui regroupait alors des démocrates chrétiens, des socialistes et des communistes. C'était donc à Madagascar, la grande île ou encore l'île rouge, comme on l'appelle. Paris y a envoyé des troupes coloniales pour mater une insurrection indépendantiste qui a commencé par des tueries d'Européens. Pendant de longs mois, les rebelles subissent une répression très dure, impitoyable. Pour chasser, affamer, les insurgés finissent par se rendre les uns après les autres. Plusieurs d'entre eux sont jugés et condamnés à mort. Mais bien d'autres ont été sommairement exécutés. Et les rares témoins font état de nombreuses exactions, tortures, villages détruits, etc., de nouveaux oradours. En 1948, l'affaire est entendue. Les événements de Madagascar, comme on dit pudiquement en métropole, ont vécu. C'est le haut commissaire lui-même qui donne le chiffre de 100 000 morts. Un malgache sur 40 a donc été tué, tandis que du côté des militaires et des colons, on recense 550 morts. Aucun soldat, aucun policier, aucun fonctionnaire ne sera sanctionné, alors que le gouvernement était parfaitement informé de la situation sur le terrain. Mais le drame s'est déroulé dans la plus parfaite indifférence de la métropole. Le sort des Malgaches n'a guère ému une population mal informée et bien plus concernée par les restrictions de l'après-guerre et les nombreuses grèves suscitées par le Parti communiste. Alors, pourquoi revenir sur ces terribles événements? Monsieur X me l'a dit d'emblée, avant même de commencer ce nouvel enregistrement. Les indépendantistes malgaches ont été manipulés. Et en déclenchant cette sanglante insurrection, ils sont certainement tombés dans un piège. 100 000 personnes l'ont payé de leur vie. Mais on ne parlera plus d'indépendance avant la fin des années 50. Et qu'il m'abandonne ici, je devrais attendre. Si le manque me domine, comment ferais-je pour vivre? Je devrais attendre. Je voudrais savoir. Cette putain d'étoile ne brille pas. Et je voudrais comprendre si les anges m'abandonnent. Je resterai calme. Que Dieu me pardonne. Le doux s'installe, je resterai calme. Si le destin par hasard me donne un signe d'espérance, je devrais attendre, attendre que les voix du ciel se fassent plus douces. J'irai danser dans la plaine comme un commencement. Si les anges m'abandonnent, je resterai calme. Que Dieu me pardonne. Le doute s'installe. Je resterai calme. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Un piège, mais quel piège ? Attendez, n'allons pas trop vite. Ça, je m'y attendais. Vous connaissez bien, non ? Non, sérieusement, pour bien comprendre, il faut d'abord analyser la situation de la grande île au sortir de la guerre. Mais justement, alors, que se passe-t-il à Madagascar pendant la guerre 39-45 ? Comme toutes les autres colonies françaises, l'île est d'abord administrée par des fonctionnaires fidèles à Vichy. Mais en 1942, des troupes anglaises débarquent à Madagascar. Il ne faut pas oublier que l'île occupe une position stratégique dans l'océan Indien. La route maritime vers les Indes. C'est ça. Et l'Afrique du Sud n'est pas très loin. Pour les Alliés, il est donc important de contrôler Madagascar. Est-ce que les forces vichistes résistent ? Oui. Et il y a des affrontements armés, mais les Britanniques sont les plus forts. À Londres, comment réagit le chef de la France libre ? De Gaulle tempête. D'après les accords signés avec Londres, c'est la France combattante qui devait reprendre possession de Madagascar. Et vous savez combien de Gaulle était sourcilleux dès qu'il s'agissait de l'intégrité des possessions françaises. C'est donc une nouvelle occasion de dispute avec Churchill. Et toutefois, un accord est trouvé à la fin 42. Les droits de la France libre sur Madagascar sont reconnus. Mais la défense de l'île sera assurée conjointement avec la Grande-Bretagne. Il faut noter que le contingent britannique présent à Madagascar ne quittera les lieux qu'en 1946. Alors vous pensez que les Anglais, au fond, avaient des vues sur Madagascar, hein ? Pourquoi pas ? On a même prétendu, sans apporter de preuves, qu'ils auraient encouragé l'insurrection de 1947. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà un mouvement indépendantiste ? Les aspirations indépendantistes ont toujours existé à Madagascar. D'ailleurs, la colonisation française est relativement récente. C'est seulement à la fin du 19e siècle que le général Gallieni a déposé la reine Rana Valona. Gallieni, qui, nommé premier gouverneur de l'île, règne d'une main de fer et instaure le travail forcé. Le travail forcé, c'est une sorte d'esclavage ? On n'est pas loin, oui. Naturellement, certains malgaches protestent. Mais ils sont emprisonnés ou envoyés au bagne, ce qui n'empêche pas le sentiment indépendantiste de perdurer. Il s'exprime en particulier à travers des sociétés secrètes. Et au début des années 40, il en existe au moins deux. Le PANAMA, c'est-à-dire les patriotes nationalistes malgaches, et le JINA, du nom d'un oiseau de l'île. Société secrète, parti clandestin, donc Tout à fait. Ce sont des mouvements très radicaux qui sont partisans de la manière forte pour arracher l'indépendance de leur pays. Et ils vont jouer un grand rôle dans les drames de 1947. Mais encore une fois, un peu de patience. Lorsque vient la fin de la guerre, les malgaches attachés à recouvrer la souveraineté de leur île sont plutôt optimistes. Optimistes ? Pourquoi ? Il y a d'abord eu le fameux discours de Brazzaville. Oui, ça c'est le discours du général de Gaulle. Oui, le chef de la France libre y a promis à tous les peuples d'outre-mer l'accès à la citoyenneté, dans le cadre de l'Union française, bien sûr. Ouais, donc c'est pas encore l'indépendance. C'est quand même un premier pas. D'autre part, il y a la charte de l'ONU signée par la France en 1940. Précisez. Une charte qui proclame la nécessité de donner l'indépendance aux peuples qui peuvent se gouverner eux-mêmes. Il y a aussi l'espoir, tout à fait déraisonnable, que les Américains qui viennent de libérer les Français viendront les libérer à leur tour. Ça me paraît complètement illusoire. Oui. Puis il y avait l'Indochine, où la France semblait prête à passer un accord avec Ho Chi Minh. Enfin, dernier signe important, les autorités françaises avaient pris conscience de l'aspiration nationaliste. Et elles avaient lâché du lest. Vous avez des exemples ? La suppression du travail forcé et également l'élargissement du suffrage électoral et la possibilité pour les Malgaches d'être politiquement représentés non seulement sur l'île mais aussi en métropole. Ça veut dire à l'Assemblée nationale ? Oui, et d'abord à l'Assemblée constituante qui se réunit en 1945. Trois députés sont élus. Deux médecins, les docteurs Racetta et Ravoa Anghi et un futur écrivain et poète, Jacques Rabé Mananjara. Ils sont membres d'un parti ? Pas encore, non. Mais bientôt, en 1946, alors qu'ils viennent d'être élus à l'Assemblée nationale, ils créent leur parti, le MDRM, ce qui doit vouloir dire le Mouvement démocratique de la rénovation malgache. Est-ce que ce sont des indépendantistes, radicaux ? Non. Et d'abord parce qu'ils sont culturellement très proches de la France. Ce qu'ils veulent, c'est le maintien de Madagascar au sein de l'Union française. Madagascar, qui serait néanmoins un État libre, pourvu d'un gouvernement, d'un parlement, d'une armée, et gérant de façon indépendante ses finances. Et surtout, ils veulent obtenir tout cela par la négociation. Oui, pas par la force. Exactement, ce sont des légalistes. Ils vont d'ailleurs passer aux actes en plaidant directement leur cause à l'Assemblée nationale. À Paris, non. Et comment est reçue cette demande, alors ? Elle n'est même pas examinée par les députés. Même pas. J'imagine que ces trois hommes doivent être profondément déçus. Déçus et blessés. Car je vous le répète, ce ne sont pas des ennemis de notre pays. Et comment expliquez-vous alors ce refus assez méprisant ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, l'influence du lobby colonial pour qui donner l'indépendance à une seule de nos colonies serait ouvrir la boîte de Pandore. Et puis il y a l'Indochine où la guerre fait rage. Parce qu'on pense alors que l'indépendance de Madagascar serait un exemple fâcheux pour les Vietnamiens. Évidemment. Ouais. Et dans l'île, comment réagit-on ? Mal, très mal. Car les trois députés y sont très populaires et leur parti, le MDRM, recrute à tour de bras. Ils regroupent des dizaines et des dizaines de milliers de militants. En fait, une incidence, mais quelle est alors la population de Madagascar ? Il y a 4 millions d'habitants et environ 35 000 Européens, surtout des Français, naturellement. La conséquence, c'est que le climat devient très tendu, presque insurrectionnel. Et les sociétés secrètes là, dont vous m'avez parlé, comment se positionnent-elles face au succès de ce parti, le MDRM ? Mais elles ne peuvent pas l'attaquer de front, même si elles pensent que les trois députés sont vraiment trop modérés. Alors très souvent, leurs militants font de l'entrisme, comme on dit chez les trotskistes. Ouais, avec l'espoir d'influencer le MDRM. Et de radicaliser ses positions. Mais quand vous parlez de situation quasi insurrectionnelle, hein, qu'en est-il réellement sur le terrain ? Eh bien, ici ou là, on observe des petites émeutes, des grèves sauvages, des agressions contre les membres des forces de l'ordre. Des menaces sont aussi proférées contre les colons. La situation se tend encore un peu plus lorsque, dans le courant de l'année 1946, les milliers de soldats malgaches mobilisés pendant la Seconde Guerre mondiale reviennent au pays. Ah, parce qu'ils n'ont pas encore été libérés ? Non. Et c'est une bien triste histoire. Leur démobilisation a traîné pendant des mois et des mois. On les a baladés de camp en camp et on a même utilisé abusivement cette main-d'œuvre gratuite sur des chantiers. Toujours le travail forcé en somme, hein ? Oui. Et quand ils rentrent à Madagascar, ces hommes sont très mécontents. D'autant qu'ils n'ont touché qu'une prime dérisoire et qu'on ne leur a pas vraiment su gré d'avoir combattu pour la France. Ouais. Alors ces soldats vont grossir les rangs des indépendantistes ? Indéniablement. Et ils sont à l'origine de nombre de ces incidents que je vous ai signalés. Les colons en particulier en ont une peur bleue. Le climat est donc détestable. Oui, et naturellement les colons vont jouer leur propre partition. Ça ne va pas arranger les choses. Your seal and rings. Here is your love for all things. Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live. One die. Hello, my love, and my love, goodbye. Here it is. Here it is. Here is your wine and your drunken ball. And here is your love for it all. Your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live. May everyone die. Hello, my love and my love, goodbye. Begun, and here is your death in the heart of your son. And here is the dawn till death do us part. And here is your death in your daughter's heart. May everyone live. Everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. And may everyone live. May everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. France Inter, Patrick Penaud, Rendez-vous avec X. Quelle était réellement la situation de Madagascar à la veille de l'insurrection de 1947 ? À l'occasion du 50e anniversaire de cette tragédie, Jean-Pierre Langelier écrit ceci dans le journal Le Monde. Le courant en faveur de l'indépendance, de plus en plus ressenti comme un dû, a gonflé au fil des ans. En perte de prestige depuis sa défaite en 1940, la France n'est plus invincible. Pendant 6 ans, 15 000 malgaches ont servi dans les rangs de son armée. Dans la grande île, l'effort de guerre imposé par la France libre, travail forcé, réquisition, impôts du riz, a alourdi le fardeau quotidien. La charte des Nations Unies a promis l'émancipation aux peuples encore assujettis. Les députés malgaches exaltent l'avènement de cet ordre nouveau dans un climat de relative liberté. La déception sera rapide et immense. Les anciens combattants, tardivement démobilisés, reçoivent de retour au pays une prime dérisoire. Ulcérés que la France se montra si ingrate, beaucoup de tirailleurs deviendront insurgés. En un an, le vent de la liberté a tourné. La France de la 4e République naissante n'est plus celle de la libération. Elle pratique le double langage, prônant le dialogue, recourant à la force. Oublieuse de ses promesses, confrontée à la crise indochinoise, elle privilégie d'autres impératifs, les intérêts des colons, l'attachement de l'armée et de certains milieux d'affaires à la suprématie française, le maintien de Madagascar dans l'espace stratégique occidental. Les colons sont naturellement opposés au MDRM, le parti indépendantiste. Forcément, ils ne se privent pas de le faire savoir aux commissaires, mais aussi à Paris. Mmh. Et attendez, que disent-ils exactement ? C'est très simple. Ces gens du MDRM sont des séparatistes, donc il faut les combattre avec la plus grande vigueur. Oui, peut-être, mais enfin, les 3 députés ont été légalement élus. Il n'empêche. La première réaction de l'administration coloniale, qui est pourtant dirigée à Tananarive par un homme éclairé, un socialiste, qui est un ami d'André Gide. Gide qui a publié des textes très violents contre le colonialisme. C'est juste. Donc cet homme, Marcel de Copé, n'en suscite pas moins la création d'un autre parti destiné à faire pièce au MDRM. Sous la pression des colons et de Paris, où le ministre des colonies est un autre socialiste, Marius Moutet, un homme décidé à briser par tous les moyens les revendications indépendantistes. C'est la consigne qu'il donne à Copé. Ouais. Et ce parti-là donc, est forcément pro-français, c'est ça, oui ? Bien sûr, le PASDEM, ça signifie le parti des déshérités, mais c'est assez machiavélique. Expliquez-moi pourquoi, là. Le PASDEM recrute en priorité chez les malgaches de la côte, des gens qui ont été autrefois les esclaves. Une autre ethnie plus aristocratique installée sur les hauts plateaux, les Ovas. Or, justement, le MDRM est particulièrement bien implanté chez les Ovas. Ah oui, alors, en créant ce parti concurrent, là, quoi, le PASDEM, on essaie de dresser les pauvres contre les riches. Enfin, je simplifie, bien sûr. Et des ethnies contre les autres. Mais ce n'est pas la première fois que le colonisateur joue à ce jeu dangereux. On a vu ce que ça a donné au Burundi et au Rwanda. Oui, oui. Mais est-ce que ça suffit pourtant à juguler l'influence des indépendantistes du MDRM ? Non, non. Non, car au début de l'année 47, ce dernier parti obtiendra un grand succès aux élections provinciales. Et ceci malgré le bourrage des urnes pratiqué par les colons et l'administration. Toutefois, aux élections locales suivantes, en mars, le PASDEM progressera. Pas suffisamment quand même pour éviter l'insurrection. Ouais. Alors, l'insurrection, justement, on y vient. Je pense que les autorités coloniales, bien informées, devaient se préparer à l'affronter. Eh bien non. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Et pourtant, à partir de la mi-mars 47, chacun s'attend à l'explosion. Certains avancent même une date, ce sera pour le 29 mars. Et l'insurrection éclatera vraiment à cette date ? Oui, dans la nuit du 29 au 30 mars. Ça signifie pour le moins que les comploteurs n'étaient guère discrets. Hein ? Qu'ils étaient infiltrés. Ah oui, par qui ? Je répondrai à cette question un petit peu plus tard. Bon. Donc l'important, c'est donc que l'insurrection est inéluctable et que rien n'est fait pour l'empêcher ou la contenir. Mais je vais me faire l'avocat du diable. Au commissariat, on pouvait penser que c'était une rumeur de plus, parce que, mais vous dites, ça faisait des mois que le climat était insurrectionnel. Non. Non, des rapports très précis sont parvenus à l'administration. Des officiers, des responsables locaux, des prêtres également donnent l'alerte. En vain. J'ajoute que la police quadrille l'île d'une façon très efficace. Elle dispose d'un grand nombre d'indicateurs. Par conséquent, le chef de la sûreté ne peut ignorer ce qui se prépare. Mais officiellement, il n'y croit pas. Soyons clairs, si le haut commissariat ne bouge pas, c'est qu'il ne le veut pas. Ou qu'on lui a sciemment menti. Mais je dois toutefois ajouter que le soir du 29 mars, c'est un samedi, les troupes sont consignées et qu'on conseille aux colons isolés de faire preuve de la plus grande prudence. Certains n'ont d'ailleurs pas attendu et ont provisoirement abandonné leur plantation et d'autres se sont armés. Mmh. Eux ne semblent pas douter de l'imminence de l'insurrection. Oui. Ouais. Et du côté du MDRM, là, que se passe-t-il ? Nos trois députés, Raceta, Ravoa Anghi et Rabineman Anjara, sont évidemment au courant. Peut-être même sont-ils les initiateurs. C'est ce que prétendront les autorités coloniales et le gouvernement de Paul Ramadi. Mais je n'en crois rien. Même si c'est la vérité, des militants du MDRM vont participer activement à l'insurrection. D'accord, mais est-ce que ces députés, que vous avez présentés comme des indépendantistes plutôt modérés, font quelque chose pour empêcher l'insurrection? Oui, deux jours avant le 27 mars, donc, ils envoient un télégramme à toutes les sections de leur parti. Bon, je n'ai pas en mémoire les termes exacts de ce texte, mais en gros, les chefs du MDRM demandent à leurs militants de garder leur sang-froid et de ne pas céder aux provocations. Et ils réitèrent leur volonté de conduire leur combat de manière pacifique. Ça pourrait être aussi une façon, comment dirais-je, de se protéger, enfin, ou de refuser toute responsabilité dans les événements qui se préparent. Tout est possible, enfin je ne le pense pas. La preuve, c'est que les trois députés demandent que le texte de ce télégramme soit affiché un peu partout dans l'île. Et là, on va assister à quelque chose de très curieux. Dans certaines localités, la police, sur ordre du chef de la sûreté, fait arracher les affiches. Alors, comme s'il voulait que cet appel au calme ne soit pas entendu. On peut légitimement se poser la question, non? Ah, vous avez raison. Il y a un mot important dans ce télégramme, hein. Provocation. Est-ce que les trois députés estiment que certains de leurs militants pourraient être manipulés? Tout à fait. Et c'est ça alors le piège que vous m'aviez annoncé là en début d'entretien? Bien sûr, mais poursuivons. Il faut ajouter un élément très important. Les dirigeants du MDRM ont prévu d'organiser au début du mois d'avril les premières assises du parti. Et ils entendent faire de cette manifestation une impressionnante démonstration de force en faveur de l'indépendance. Une manifestation pacifique. Oui, mais l'insurrection éclatera juste avant. Alors comme si on avait voulu saboter cette manifestation? Ça y ressemble. Mmh. Comment l'insurrection commence-t-elle? Dans la nuit du samedi au dimanche, des hommes armés de sagaies ou d'autres armes blanches se lancent à l'assaut des postes de gendarmerie ou de bâtiments administratifs dans un district de la côte orientale. Leur objectif, c'est de s'emparer des armes. Dans le même secteur, un camp militaire est attaqué. Mais les assaillants au nombre de 2000 échoueront et seront repoussés. Ça veut dire en tout cas que l'insurrection n'est pas généralisée, hein? C'est vrai. Les insurgés, à l'évidence, manquent d'armes et de moyens de communication. Mais ce qui frappe tout de suite, c'est leur détermination et leur violence. Des militaires, des colons sont tués, massacrés, des bâtiments sont pillés, incendiés. Seuls les femmes et les enfants sont relativement épargnés. D'emblée, donc, ils ont voulu frapper l'opinion? Oui, d'autant que les malgaches ont plutôt la réputation d'être doux et pacifiques. Ouais. Mais malgré tout, ce début d'insurrection est un échec, puisque les rebelles n'ont pas réussi à enflammer l'île tout entière. Et qu'ils ont la plupart du temps échoué à se procurer des armes. Pourtant, dans les jours qui suivent, l'insurrection s'étend sur toute la côte orientale et commence à s'organiser. Et à votre avis, combien sont les rebelles? On estime généralement qu'ils sont une vingtaine de mille. Ah, quand même. Et comment réagit l'autorité coloniale là? Au début, le Haut Commissariat ne dispose pas d'assez de forces militaires pour s'opposer efficacement à la rébellion. Et il faudra attendre plusieurs semaines avant de voir débarquer sur l'île des éléments de la Légion étrangère et des troupes coloniales, essentiellement des tirailleurs sénégalais. Mais c'est sur le plan politique que la réaction est la plus vive et la plus révélatrice. Que voulez-vous dire là? Immédiatement, le MDRM est montré du doigt dans l'île. Les colons, les premiers, exigent que le parti indépendantiste soit poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État. Et à Paris, le président du Conseil, Paul Ramadier, accuse le parti séparatiste d'être le seul responsable des événements de Madagascar. Des événements qui d'ailleurs ne trouvent pas un grand écho en métropole. Ouais. Et la réaction des chefs du parti? Ils affirment qu'ils sont parfaitement étrangers au déclenchement de l'insurrection. Mieux, ils la désavouent et dénoncent les crimes commis par les rebelles, et ils se proposent pour tenter une opération de médiation. J'imagine qu'on ne doit guère les entendre? Bien sûr que non, puisque l'objectif c'est de détruire leur parti et de les réduire eux-mêmes au silence. Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Jacques Tronchon, un frère franciscain qui vit à Madagascar, a publié le livre de référence sur l'insurrection malgache au terme d'une longue enquête sur le terrain et la découverte d'archives inédites. Voici par exemple ce qu'il écrit à propos des députés indépendantistes. Le 1er avril, le haut-commissaire reçoit Ravoa Anghi, Rabemanan Jara et Rae Rivelo. Ils s'entendent dire que le MDRM est complètement étranger à toute agitation anti-française et que les responsables du parti déplorent les douloureux événements survenus depuis deux jours. Ces trois interlocuteurs l'informent aussi de la teneur du télégramme qu'ils ont diffusé le 27 mars. Il sollicite enfin la possibilité de faire afficher dans tout Madagascar, ou au besoin de radiodiffuser, une proclamation désavouant l'insurrection de manière catégorique. Nous réprouvons de la façon la plus formelle ces actes de barbarie et de violence, et nous espérons que la justice fera jaillir toute la vérité et déterminera la responsabilité de ces crimes. Nous tenons à protester avec indignation et avec la dernière énergie contre les accusations faites ou insinuées par une certaine presse à notre endroit et à l'égard de la politique de notre parti. Nous affirmons solennellement que le bureau politique du MDRM n'a jamais participé à la machination et à la réalisation de ces actes odieux. Mais les trois parlementaires malgaches se heurtent à une fin de non-recevoir. Toute tentative de médiation de leur part est rejetée. Leur démarche est même jugée suspecte et incongrue. L'ouvrage de Jacques Tronchon a été publié en 1974 par François Maspero. Vous avez dit qu'il fallait réduire les trois députés au silence, mais comment ? C'est très simple. Deux d'entre eux, Rabé Mananjala et Ravao Anghi, se trouvent à Madagascar. Ils sont très vite arrêtés. Mais ils sont députés. Donc protégés par leur immunité parlementaire, oui. Mais la justice coloniale n'est pas tout à fait la justice métropolitaine. On s'y soucie peu de la légalité. Pour justifier leur arrestation, on invente le flagrant délit continu. Ah bon ? C'est nouveau, ça. Et ils sont donc emprisonnés. Et les méthodes de la police de Tananarive étant ce qu'elles sont, ils sont torturés et sommés de passer aux aveux. Mais on torture alors deux députés français, c'est effarant. Oui, je suis d'accord avec vous. Et bien sûr, avec de tels moyens, on obtient des aveux. L'un d'eux, au moins, reconnaître l'instigateur de l'insurrection, il avoue du même coup que c'est le Parti communiste français qui l'a influencé, sinon poussé. Et c'est d'autant plus curieux qu'il y a alors des ministres communistes au gouvernement en France. Exactement, oui, ils ne rompront qu'au mois de mai 1947. Bien évidemment, la manœuvre est cousue de fil blanc. Mais il faut bien dire que la position des communistes dans cette affaire n'est pas très claire. D'accord, ils s'opposeront à la levée de l'immunité parlementaire des députés malgaches. Toutefois, ils ne montreront pas un enthousiasme débordant pour la cause des indépendantistes de Madagascar. Mmh. Vous avez évoqué là le sort de deux députés, ceux qui se trouvaient à Madagascar, mais le troisième. Le docteur Aceta se trouve à Paris. Peut-être difficile, celui-là, de le traiter comme les deux autres. Oui, mais il sera lui aussi arrêté dès la levée de son immunité parlementaire et ses trois parlementaires seront jugés en 1948. Deux d'entre eux seront condamnés à mort et le troisième aux travaux forcés à perpétuité. Mais les condamnés à mort seront graciés. Ils n'en resteront pas moins de longues années en prison. Mais je reviens là, à ce que vous avez dit plus haut. Hein. Ce télégramme que les trois députés avaient envoyé à leurs militants et qui leur prescrivait de garder leur sang-froid. C'est bien ça, hein ? Ça aurait dû jouer en leur faveur, non ? Oui, mais le ministre des colonies a prétendu qu'en réalité, ce télégramme était truqué. C'était en fait, selon lui, un appel à l'insurrection, et pas du tout un appel au calme. C'est énorme, non ? Oui, c'est aussi ce que je pense. Ouais. Et pendant ce temps-là, alors, dans l'île, que se passe-t-il ? Avant même l'envoi des renforts de soldats, la police locale multiplie les arrestations chez les militants du MDRM. Et leurs interrogatoires sont menés avec la brutalité coutumière. Il s'agit d'établir que c'est bien le parti indépendantiste qui est à l'origine des émeutes. Enfin, c'est la conclusion à laquelle arrive le chef de la sûreté à peine 10 jours après le début de l'insurrection. Ça fait plusieurs fois que vous évoquez cet homme. Alors, qui est-il ? C'est un commissaire qui s'appelle Baron. Un homme qui a joué un rôle considérable dans cette tragique affaire. Il était très très proche des colons. Au contraire du haut-commissaire qui se méfiait plutôt d'eux. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce policier était certainement l'homme le mieux informé de l'île. Et pourtant, il a feint de ne pas croire au déclenchement imminent de l'insurrection. Vous pensez donc qu'il a... Il a participé à cette manipulation que vous évoquiez ? Sans nul doute. C'était l'homme clé. Un type sûr de lui. Songez que démissionné par le haut-commissaire... Démissionné à cause de quoi ? De ses méthodes ? Sans nul doute. Mmh. Eh bien, il ne tardera pas à revenir à Tananarive, et même sans fonction officielle, il continuera à perpétrer des arrestations, et il se livrera à des interrogatoires sur les prisonniers. Alors, effectivement, c'est... Mais avançons, si vous permettez. Dès que les renforts militaires arrivent, la répression s'accentue. Et c'est une véritable guerre coloniale avec son cortège d'horreurs et d'exactions que vont mener les militaires français. Mais j'imagine que du côté des rebelles, on ne doit pas non plus éviter de se salir les mains. C'est certain. Plus le temps passe et plus les insurgés usent de violence contre les colons, mais aussi contre leur propre peuple, pour contraindre les tièdes à se joindre à eux ou pour éviter que les hommes ne fuient leur camp. Mais il faut relativiser. Il y aura un peu plus de 500 morts européens, dont 350 militaires, alors qu'on comptera presque 100 000 morts indigènes. Ce chiffre est-il fiable ? Ce sont les autorités qui lui l'ont donné, même si ensuite, sur ordre, elles tenteront de revisiter à la baisse le nombre de morts malgaches. Ouais. Vous évoquez les horreurs, les tortures, les exactions. Vous avez des exemples, hein? Il y a d'abord l'usage systématique de la torture sur les militants du MDRM. Mais il y a pire, si le pire existe. À Madagascar, l'armée expérimente pour la première fois de son histoire l'action psychologique. Afin de terroriser les villageois, des insurgés vivants sont jetés d'avions volant à basse altitude. Les militaires argentins ne se conduiront pas autrement. Hein. Comparaison édifiante. On procède aussi à d'innombrables exécutions sommaires. L'épisode de Moramanga fait froid dans le dos. De quoi s'agit-il, là? Des arrestations massives ont eu lieu dans le secteur, plus de 150 personnes. Les insurgés, ou présumés insurgés, qui sont en fait des otages, sont conduits en wagon à bestiaux jusqu'à la gare de Moramanga. Là, sous prétexte que des insurgés seraient sur le point de les délivrer, les militaires reçoivent l'ordre de tirer sur le train au canon et à la mitraillette. La moitié des prisonniers succombent. Ouais. Et les autres? On les conduit en prison où on les interroge, mais ce n'est pas fini. Deux jours plus tard, ils sont reconduits dans les wagons, pas pour longtemps, quelques heures plus tard. Ils redescendent et sont conduits devant un peloton d'exécution et ils sont abattus. Seul, l'un d'entre eux sortira vivant de ce massacre. Ouais. Qui a donné l'ordre de les exécuter? Un général français. Et il l'a donné par écrit. Il faut ajouter que toutes ces horreurs ont eu rarement des témoins et que les journalistes ont été systématiquement éloignés des théâtres d'opération. Ça signifie qu'en métropole, on ignore donc à peu près tout ce qui se passe à Madagascar? À peu près tout, oui. Et d'ailleurs, il faut bien l'avouer, on s'en moque un peu. C'est si loin, Madagascar, et puis ces histoires de séparatistes n'intéressent pas grand monde. Le colonialisme a encore bonne presse, et l'essentiel, c'est que la grande île reste dans le giron français. L'insurrection se prolonge longtemps? Oui. Bien que le corps expéditionnaire soit fort de presque 20 000 hommes, bien armés, les insurgés vont résister jusqu'à la fin de l'année 1948. Mais ils combattent dans des conditions de plus en plus difficiles. Ils ont trouvé refuge dans la brousse des hauts plateaux. Ils sont de plus en plus isolés et souvent malades. Ils souffrent aussi de la faim. Alors ils finissent par se rendre? Mais certains préfèrent la mort au combat. Comment expliquer l'échec de ce mouvement insurrectionnel? Le manque d'armes. On a estimé que ces milliers de rebelles ne disposaient en tout et pour tout que de 250 fusils. Contre une armée moderne équipée de blindés, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Bon, il est peut-être temps maintenant de m'expliquer quel était ce piège dans lequel ils sont tombés. Eux et les dirigeants du MDRM. Car je vous l'ai dit, il s'agissait d'abord de se débarrasser de toute contestation indépendantiste. Alors le piège? Bon, je crois, enfin j'en suis même certain, que les indépendantistes ont été victimes d'une véritable manipulation. Une provocation, si vous voulez, qui est passée par ces sociétés secrètes dont je vous ai parlé. Mais il y avait le Panama... Et la GINA, oui. Ouais. Ces mouvements étaient largement infiltrés par la police. Et la police de ce baron? Oui, bien sûr. Ils ont été poussés à la faute. Car ce sont des militants de ces organisations clandestines qui ont été à l'origine du déclenchement de l'insurrection. Pousser la faute, je veux bien, mais comment? On leur a laissé entendre que les dirigeants du MDRM n'étaient que des modérés, des pleutres qui n'oseraient jamais s'opposer aux autorités françaises. Ouais, alors c'était à eux de passer à l'action? Oui, plus grave. On leur a aussi laissé croire que, dès le début de l'insurrection, ils recevraient de l'aide de l'étranger. Et c'est vrai que pendant très longtemps, ils ont cru que les États-Unis viendraient à leur secours. Ah, les États-Unis. Et les auteurs, alors de cette manipulation, enfin, c'est qui? C'est les colons, la sûreté? Évidemment. Tous ceux qui trouvaient que les autorités françaises à Madagascar ne luttaient pas assez vigoureusement contre les séparatistes. Ils ont donc provoqué cette explosion pour obliger Paris à agir fermement. Au prix d'un véritable bain de sang. Hélas, oui. Mais je vais encore aller plus loin. Je crois que certains colons les plus extrémistes auraient envisagé sans déplaisir de prendre des distances avec la France, en établissant un véritable pouvoir blanc à l'image de ce qui se passait en Afrique du Sud, toute proche. Et pourquoi alors? Le colonialisme à la française ne leur suffisait pas? Ils se méfiaient de ces premiers gouvernements de la 4e République où siégeaient les communistes. Et ils avaient peur qu'un jour ou l'autre, sous leur influence, la France n'abandonne ses colonies. Provocation, piège, le doute demeure. En tout cas, la réalité des massacres de Malgaches ne peut être niée. Je reviens au livre de Jacques Tronchon et j'y lis ceci. Les récits les plus horribles circulent sur les atrocités de la répression dont les populations civiles sont victimes autant que les insurgés. Le gouvernement français, qui refuse tout d'abord d'envoyer sur place une mission d'enquête parlementaire, se décide cependant à confier à Gaston Defer, ami de Marius Moutet, une fonction de missi dominici. Defer accomplit sa mission à Madagascar en juin et juillet 1947. Il y recueille un très grand nombre de doléances et de témoignages de la part d'Européens et de Malgaches. Il fait ensuite un rapport assez complet où il étudie chaque cas de représailles ou d'exécution sommaire qui lui ont été soumis. On peut y lire, parmi d'autres, cette relation symptomatique. Au cours d'une tournée en brousse, avec le gendarme Grenier, celui-ci fit 18 prisonniers. Il les amena à M. Pont, il s'agit d'un jeune chef de district, qui se trouvait à ce moment-là à quelques centaines de mètres de l'endroit où la capture avait été faite. M. Pont décida alors de faire procéder à l'exécution de ces prisonniers, ce qui fut fait séance tenante. Après quoi, les corps des rebelles furent arrosés d'essence et brûlés. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez aussi réécouter des émissions plus anciennes, ça vous coûtera 2 euros. Et si vous voulez les télécharger, ce sera 8 euros.